Ah, il y a une chanson très appropriée pour ce mois de septembre. C'est Gilbert de Trot-d'Écho qui chante C'est en septembre. Mais là, je ne fais pas une imitation de Gilbert de Trot-d'Écho, mais je débute mon émission du 18 septembre. Alors, la ressource séduisante de ta bouche. La ressource séduisante de ta bouche élève le mot dans son incontournable démesure. Une dernière. On peut voir derrière les ruines ce chemin inapproprié. Alors, top générique. Aujourd'hui, le lundi 18 septembre 2023, septembre. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes amis! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Mon hommage à Sinead O'Connor. Merci l'artiste. Son premier album, hallucinant, la preuve. Elle restera toujours vivante. passer chez Ned O'Connor. Avant... Merci. Avant... Je veux juste vérifier si le... Un. Non, ça fonctionne pas. Avant. OK. Avant. Je vous l'ai dit. René Lévesque s'appelait Saint-Cyril. Il y avait là un disquaire extraordinaire qui raflait des prix à chaque année pour le meilleur disquaire en ville. Et il s'appelait le Sillon Disquaire. Et je connaissais les deux propriétaires. Et à un moment donné, j'étais... En fait, je demandais... ça fait longtemps, là. Des 33 tours de Gainsbourg. Et il me faisait venir avant qu'Internet existe ces disques-là chez Sillon. Et je les achetais. Donc, ça me coûtait quand même... c'était de l'importation. C'est là que j'ai pu avoir Love on the Beat. Premier album que j'ai entendu de Gainsbourg, qui n'est pas son meilleur, c'est du électro-funk, mais pour les fans et les femmes, pour lui, c'est quand même une porte d'entrée. Il y a Love on the Beat, et puis même il y a un chanteur français qui a repris l'album dans sa totalité, mais avec un son qui est beaucoup plus 2022-2023. Mais ça, si vous l'écoutez, Love on the Beat là, de Gainsbourg, ça n'a pas pris une ride. Et ensuite, Bonnie and Clyde, version Brigitte Bardot, ils avaient sorti un genre de 33 tours, mais avec deux chansons sur chaque côté. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas un single, mais en tout cas, bref. Et je commandais plein de choses, Jane Birkin, Feu Jane Birkin, et plein de trucs. Et à un moment donné, je circulais sur Saint-Cyril, aujourd'hui René Lévesque, et un des vendeurs me dit viens ici, parce que moi je connaissais pas son nom, puis lui connaissait pas le mien. Viens ici, j'ai quelque chose à te proposer, j'ai entendu quelque chose là, d'assez extraordinaire, puis je sais que ça va te plaire. Puis il savait que j'avais une émission à CKRL à l'époque qui s'appelait Citron et Limonade, mais qui n'était pas mon titre à moi, mais le titre d'un concept qui était quotidien. Et moi j'avais La Plage du Vendredi, c'était une émission estivale. Et là, il m'arrive avec Sinead O'Connor, l'album qui s'intitulait, je sais qu'il y a Cobra dans le titre, donc je vais aller vérifier dans mes archives, parce que j'ai des archives, madame, mademoiselle. Ben oui, je suis un garçon archivé et archibordélique, donc mon ordinateur peut m'aider. Donc, Sinead O'Connor, on y va là-dessus. L'album en 87 s'appelait De Lion and de Cobra. Et ça a été ma première rencontre avec l'artiste extraordinaire qui a fait vraiment beaucoup de choses et qui est décédé à l'âge de 55-56 ans. Une fille assez... comment dire? Donc, madame, comment les mots me manquent. Les larmes, non, mais les mots me manquent. Une femme très rongée. Par la vie, par sa vie, par son enfance, par... on est tributaire de ce qu'on était très, très jeune jusqu'à aujourd'hui. On traîne notre croix. Et elle, enfin, son fils est décédé à 17 ans. Il s'est suicidé. Et donc, elle a pas très bien vécu. C'est tout à fait normal. Donc, peu importe là, ce qui lui est arrivé, elle a décidé de s'arrêter là, d'une manière assez dure. Et donc, il m'arrive avec ça, j'achète bien sûr le CD, je pose pas de questions, j'arrive chez moi, parce qu'il y avait un centre d'écoute, mais comme il m'a fait signe, j'ai dit, c'est pas n'importe quoi, j'arrive chez moi, j'étais extrêmement emballé. Je l'ai écouté pendant des années, et je crois que j'ai juste deux disques de Sinead O'Connor, celui-là, et son deuxième en 90, si je ne m'abuse, c'est I Donut. Non, c'est pas McDonald's, c'est I Donut. I Donut. When what I haven't got. Hein? Ça, c'est de l'anglais, madame. Ah oui, mon anglais is very, very, very, very, very, very, very table. I don't want to be génie, génie, génie, table. Et quand tu vas demander mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Shakespeare, shining O'Connor, I want to love it all, baby. On a le one name, on a le bam, bam, bam, bam, bam. Bon, hey, je vais aller baisser le... Non, faut que je ferme la porte. Oui, c'est communicant. Alors, on va avec une chanson, puis j'enchaîne après. Why? Shaneid, imagine-toi donc que je me suis acheté une lèche frite. Pas parce que j'en avais besoin, c'est parce que j'aimais le nom lèche frite. Mais innocemment, moi, tu sais, c'est bien beau des romans de Colette et puis de qui, donc, de Paul Éluard, hein, la poésie de Paul Éluard. Paul Éluard, madame. Éluard. Voyons donc, vous. Oui. Ou Marguerite Duras, que je parle souvent. Une autre Marguerite Yourcenar. Elle ne parle jamais de lèche frite. Bon, c'est sûr que c'est pas de la cuisine, c'est des romans, mais quoique c'est un mot qu'on pourrait utiliser dans un texte. Et moi, je vais faire une improvisation avec ça. Parce que l'intérêt de lèche frite, selon moi, c'est de fonctionner au mot, à l'idée que ça peut te donner, à l'image. Là, je sais plusieurs. Et hey, puis, en plus, eux autres, ils. Hey! C'est pas poli de dire hey. C'est pas poli de dire hey. Faut dire pardon. Hein? Ouais. En tout cas, peu importe. On place ça dans les ustensiles. Je vous le jure. La lèche frite, là, c'est pas un plat, c'est un ustensile. Imagine-toi, là, moi, j'ai la place pour mes couteaux, ma cuillère à. Ouais, mes cuillères à thé, mes cuillères à soupe. Puis il y en a même qui ont deux fourchettes, hein, la petite et la grosse. Moi, écoute bien, là. Je prends la petite, puis je commence par les grosses fourchettes. Ah, moi, je suis une grosse fourchette. Ah, oh, mon Dieu, hey, trois dents de grosse fourchette. Pas de karaté, moi, là. Hey, j'ai un plaisir fou à me prendre la fourchette, et puis à me prendre un jambon, puis à me cogner ça dans le jambon. Puis quand j'en ai plus de grosses fourchettes, je prends les petites fourchettes, je descends plus lentement, puis je spring, puis là, le jambon est aussi heureux de se faire pénétrer par ma fourchette et de se faire manger par ma bouche. Et je lèche comme la lèche frite, le jus qui est à l'intérieur, c'est merveilleux. Des petites patates là-dessus, ou du riz, quoique le riz et le jambon, c'est bon aussi, ben oui. Ou même des zucchini. J'ai appelé zucchini, je disais zucchini, je n'ai que du macaroni. Peux-tu te transformer? Tu te transformes en quoi? Ben en zucchini. Elle dit, ouais, mais moi je suis un macaroni. Oui, mais à coude? Oui, je suis à coude. À couder, je vais te raconter un peu, parce que je parle au nom de toutes les nouilles qui sont à l'intérieur de cette boîte. Bon, nous sommes à coude. Et mes coudes à coude, là, puis on n'est pas cuite encore. Donc, on est sec, hein, puis on est collé, puis on se frotte, puis des fois, le consommateur, tu sais, fait pas attention à nous, là. Prends la boîte ou le sac, mais le sac, c'est encore pire que la boîte. Hein, oui, parce que ça nous protège un peu, la boîte. Oui, non, mais pourquoi ils m'ont choisi? Parce que je me ferme pas la boîte, moi. Ah non, je me l'ouvre. Je me l'ouvre sans aucun problème, sans manger mes congénères, mes nouilles qui m'accompagnent. Puis se faire traiter de nouilles, là, c'est pas très gentil. Parce qu'essayer de vivre, là, nous vivons notre vie de nouilles. Oui, avant ça, j'étais... Non, j'ai... Ben oui, croyez-vous ça, vous, quand vous mourrez, là, que... Ouais? Quand vous mourrez de vos amours... comment t'appelles ça, donc? On se transforme en d'autres choses, là. Incarnation, tu t'incarnes. Pas en ongles, là, mais moi, avant d'être nouille, j'étais ministre des Finances au Québec. L'année... Ben là, sinon, ça va faire le mini. Non, je vais me garder une petite gêne. Et puis, donc, j'ai commencé à être nouille avant de l'être, parce que j'étais ministre des Finances. Mais là, je me disais, moi, c'est pas moi c'est pas moi la nouille. La véritable nouille, c'est les citoyens qui ont voté pour nous autres. Oh, on va les faire payer. Ils méritent pas juste ça. C'est des imbéciles, des vraies nouilles. Des vers de terre, des moins guerriers, des intraterrestres. Quoi que des intraterrestres, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui non plus. C'est des êtres supérieurs. C'est comme à la beauté. Hein, oui, parce que la beauté d'Émilie est supérieure à toutes les autres. Pour plusieurs raisons, dont une, c'est son naturel. Oh, Émilie est naturelle, belle naturelle, là. Intelligente naturelle. Quand elle soupire, c'est intelligemment. Lorsqu'elle rit, c'est intelligemment. Lorsqu'elle regarde, c'est d'une beauté épicurienne. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. La la la! Il faisait beau. C'était le mois de septembre. La la la. Le 18. La la la la la la la. La la la la la la la. Le 19. Non, c'était le 18. Oh. Ensuite, nous marchions. La la la. Non, c'est... La. Monte là. Nous marchions. La la la. Bon, parfait. Bon. Et puis donc, j'étais une nouille. Je suis toujours une nouille. Mais avant ça, j'ai l'incarnation d'un ministre des Finances. Et puis, donc, je vous conseille fortement d'acheter-nous en sac. Même si on se fait du mal, on peut casser. Hein? Mais oui, les gens font pas attention. Quand vous nous achetez, je vais vous expliquer le concept. Prenez la poche en plastique là, de 900 grammes. Faites-vous-en pas, ça va descendre, mais ça va rester au même prix. Ah oui, on parle de 750 grammes. Hein, ça nous coûtait, quoi, ça vous coûtait, disons, là, un prix là, 3 piastres pour 900? Ça va être 750 pour 3 piastres aussi. Après ça, on se dit que les gens ne s'en rendent pas compte. T'sais, les gens ne s'en rendent compte de rien. Puis, bon, ils lèvent la poche de 900, ils mettent ça dans leur poussette, dans leur case, dans leur quoi? Dans leur... Dans n'importe quoi, là, ils nous transportent dans un panier, excusez-moi. Et puis, donc, après ça, ils se rendent compte qu'on a viré 750, puis ça coûte encore 3 piastres. Puis on va virer 600, puis ça va coûter encore 3 piastres. Puis 500, ça va être 3. Tranquillement, on diminue leur regard aussi. Vieillissent, hein? En vieillissant, ils ne voient pas très bien. On se fait manipuler de partouze. Ah, mon, en parlant de partouze... Nous en faisons une, nous, les nouilles, dans le sac, là, dans 2 jours. Fait que si on n'est pas vendu parce qu'on est au supermarché, on attend encore, mais on est derrière, hein, ils nous ont placés. On est les premières arrivées, donc, au fond de l'étalage. Mais il y a toujours des imbéciles qu'on appelle les commis ou les étalagistes qui nous... Eux autres s'en balancent, là, les dates d'expiration, des fois, les plus propices, exemple, pour le 19 septembre, ils les placent au début, au fond, au lieu de les placer au début. C'est pas clair, hein? Ah, non, c'est pas de l'eau de sacoche. Non, mais ton discours est pas clair comme de l'eau de sacoche. Faudrait que tu te reprennes. Alors, comment? Faudrait que tu te reprennes, c'est pas du français. Il faudrait vous reprendre, très cher ami. Ça, c'est du français, puis même du français presque classique, là. Alors, je me reprends immédiatement sur le champ. Sur le champ, il y a des oiseaux qui picotent dans le gazon. Le gazon, dans le gazon. C'est comme Zachary Richard, là. T'es dans le yard, dans le gazon, il y a des vers à cuire, des vers à changer, des vers à remplir, et des vers de terre. Voyons donc, toi, il y a un vers de terre, un oiseau, c'est comme mon petit banjo. Il se place sur le dos, il se tortille comme un bacon qui se fait cuire avec du beurre, parce qu'il n'y a pas de la margarine. La margarine, ça explose de partout, mais ça reste pas sur le bacon. Parce que le bacon est déjà extra gras. Et moi, j'aime ça, là. Le bacon, non, j'en mange pas. J'haïs le bacon. Oui, parce qu'il y a des burgers. Vous savez qu'il y a des restaurants rapides, là. Très rapides. Hein? Ça ouvre puis ça ferme. Non, on appelle ça de consommation rapide, là. Tu n'es pas là 2 heures pour manger. Tu as 15 minutes. Il faut chercher un burger. Puis là, tu te dépêches. Puis moi, je demande un truc qui existe déjà. Tu es déjà très composé avec des cornichons. Ça. Puis ils mettent du bacon. Et moi, je dis sans bacon. Là, c'est tellement compliqué. Alors, vous dites, ben, sans bacon. Oui, alors sans bacon. Et puis, ben, c'est tout. D'accord, alors passez à la caisse. Parce que je suis en scooter électrique. Hein, je me place comme les véhicules. Puis avant ça, je faisais rire de moi. Ben, je fais encore rire de moi. Je sors dehors, puis tout le monde rit de moi. Ma vie est insupportable. Non, mais je me suis fait couper les cheveux. Ah oui, essayez de me faire une phrase avec gorille. Gara gorille! Je me suis fait couper les cheveux. Puis depuis ce temps-là, ben les gorilles de moi. C'est un gag avec le punch. Là. Le punch arrive plus vite que le gag. Hein. Et puis sinon, moi, okay, je suis une nouille non cuite, hein, crue. Qui l'eût cru? Le perlustu cru. Bon, on l'a fait, celle-là. Et donc, en sac, c'est sûr que les gens s'en balancent. Donc, pour ne pas dire qu'il s'en sac. C'est pour ça que je dis qu'il s'en bat. Sinon, ça fait redondant. Redondant les mots, la boulette, c'est bien tout. Le moulant, le bêli, bêli, bêli, bêli, bêli, bêli, bêli, bêli, bêli, Combalank, wambalombali, dabbling, mon dabi, mon daban, mon dabi, dabi, dibi. Les nouilles, nous les nouilles de première classe, les nouilles AA, pour ne pas dire les nouilles AAA. Pourquoi il y a du bœuf, du steak, hein, double A, triple A? Nous les nouilles, on a aussi une hiérarchie. Il y a la petite nouille bien nouille, tu sais, la celle qui... Hein, je sais pas. Comme l'ancienne femme de Jean-Claude. Ah, mon Dieu. Mais elle disait que son mari est encore plus nouille qu'elle. Il y avait des chicanes de nouilles là-dedans. Mais en tout cas, ça, c'est pas ça l'histoire. C'est que quand vous prenez le sac, que l'étalagiste choisisse que ce soit la date la plus... qui non, ça, on va suivre. Ben oui, comme toi. On est le 18 septembre. Et puis, il y en a qui se balancent quand ils placent les articles. Le 18 peut se retrouver au fond, puis les nouveaux sacs de nouilles en avant. Donc, il y a du 18 septembre au fond, puis du 23 décembre en avant. Fait que nous, comme on a un imbécile qui nous a placés, on est dans le fond, mais on devrait... C'est pas qu'on va se désagréger, c'est pas qu'on sera pas meilleur, c'est parce que le gouvernement a mis des dates d'archivage. Tu sais, si tu manges ça à un autre moment que le moment indiqué, si tu passes la date, tu peux, t'es à risque de troubles digestifs. T'es à... Oh, mon Dieu! On est des nouilles. C'est sec. Hey, dans une certaine époque, là, le canage, la crème de tomate, OK? Il n'y avait pas de date. Puis on nous disait, c'est bon tout le temps. Quand c'est pas bossé, c'est bon tout le temps. Aujourd'hui, non, c'est pas vrai. La date, écoute, on fait de la crème de tomate, on place, on oublie terre, on met une date avec une étampe. Là, mais c'est pas un monsieur qui est là, pouf, à chaque fois. Ben non, c'est des machines. Tu croyais, là, je te dis, au Vietnam, en train, tu sais, pendant la guerre, puis que les bombes arrivent, là, mais ça tombe. Les cannes, ça bouge, ça roule. Ils font peut-être 2 millions de cannes en 15 minutes? Comment ça que j'exagère? Comment ça je connais pas ça? Comment ça je suis pas dans ce milieu-là? C'est qui? Voyons donc. Attention. Le néophyte, ce n'est pas moi. Parce que je connais ma nouille. J'en suis une. Et je vous dis une chose. Quand vous nous prenez... Que ce soit en avant ou en arrière. Mais là, je parle du sac, là, pas nous. Nous, on est des nouilles en cube. On appelle en cube, attention, on s'appelle des nouilles de coude. Parce qu'on est. On fait comme une demi-lune. Comme un croissant. Garde-moi, Raymond. On n'est pas des croissants, on est des nouilles, mais comme une forme de croissant. Et lui, sa croissance intellectuelle n'a jamais été aussi bas. Aussi basse, excuse-moi. Sa croissance, une croissance aussi basse. Mais la contrebasse ne voudra pas nous répondre puisqu'elle est contrebasse. Mais elle n'est pas contre non plus de prendre la parole musicale lorsqu'elle a le choix d'être invitée comme instrument de musique. Qui a les moyens aujourd'hui d'avoir une contrebasse? Il y avait Brassens, mais là, c'était une époque où nous ne sommes plus d'époque. Quoique, il y a quelques... Ouais, excuse-moi, j'avais une nouille en coude pris dans la gorge. Ah, mais je veux juste finir là-dessus. Quand vous prenez un sac, vous placez ça dans votre panier, tirez le pas dedans, déposez-la, parce qu'on peut se casser. On est fragile, nous, comme le cœur d'une femme. I want you. Gros plan sur l'existence. Kaylee? Gros plan sur l'existence. Oui. La marée monte. Ah, oh, pas encore. L'eau jaillit. Oh, j'ai le temps. Après deux semaines d'épreuve. Oui. La preuve est là. Oh non. Le couteau ensanglanté. Oh. Le regard hagard. Comment? Le regard hagard. Non, c'est le regard hagard. Le regard hagard. Oh. Et Suzanne. Suzanne. Arrêt sur image. Arrêt sur image, mon Johnny, ce serait pas un photogramme figé, là, comme dans le projecteur de la vie. Voyons. Il y a de l'air qui sort, mais il y a pas de mots qui surgit. Est-ce qu'il y a un problème de... Madame Lemieux? Oui? Avez-vous regardé si tout était égal dans ma bouche? Oh, rien, non, tout est croche. Oh, c'est merveilleux, ça va faire une belle émission. Le soir. Oh! Gros plan sur la nuit. Ah! Un cri surgit. Oh! Jean-Marc agit. Est-ce que c'est ainsi que les intrigues s'enivrent? Je sais pas, mais Jean-Marc, là, c'est bien rare qu'il nous arrive comme ça. Là. Ça nous immerge l'imaginaire. Ça nous rend comme dans... un trop-plein d'émotions. La vie s'arrête. Suzanne est là. Plan américain. Plus rien sur les États-Unis. Désunis son lait. Arnold n'est plus avec elle. Toscane, New York. Sarko, Clara, bébé. Effectivement, un beau petit bébé. Hein? Que d'injustice dans cette société. Que de cartes trop mêlées. Que de rainures sur un passé tout à fait exalté. Oh, mais hey, ça, c'est bon. Travelling avant. Oh, non, arrière. Travelling arrière. Oh. Plus rien devant. Non. Que des lumières qui surgissent à travers des néons qui se demandent pourquoi l'été ne demeure pas ainsi. Ainsi soit-il maintenant et toujours pour des chèques et des chèques. Et les siècles poursuivent le temps. Et le temps s'arrête. Maintes et maintes. Et maintenant. Oh, tu vois l'affaire, je le sens. C'est comme la... On ne peut poursuivre. Oh, ça commence mal, là. Ça ne peut poursuivre. Ton émission n'a même pas encore été dilatée. Relatons la dilatation. Avant le 10... Le 1. Avant le 9. Le 2. Avant le 8. Le 3. Hey, je crois qu'il veut nous faire compter à l'envers, là. Je sais que ta vie est aussi intéressante, hein, vue par devant et vue par derrière, sur le côté, sur le travers. Tridimensionnellement parlant, là, t'es vraiment en dehors de tout soupçon. On voudrait vous dire là que si c'est une intrigue, là, ça s'en va tout droit vers Hollywood. Puis je vois déjà les grands noms là, s'ouvrir sur ce projet cinématographique. En tout cas, le film, là. Je vois très bien le générique, c'est ça qu'on dit, le générique. Ben là, je connais pas ça, là, mais c'est les acteurs et les actrices. Effectivement, les acteurs et les actrices. Alors, on voit tout ce monde-là là, qui s'amène au projet et qui veulent ensemble s'humilier, quoi. Ils veulent pas faire autre chose que ça. Si petit... Il s'exerce à grandir. Ouais, mais moi, je pense que c'est la troisième pin, hein. Je lui ai dit à mon raboteur, je lui ai dit, si tu pouvais le tuer, lui. Non, il n'y a pas de meurtre ici. Quoique. L'été s'étire. L'horizon se demande si la verticalité de la vie cherchera l'horizontalité de l'existence. Ça on dirait que tu es en train de faire là endive et dandive sont des chemins de résidence. Tu fais ton mémoire. J'ai mémoire encore d'une vieille maison. Et deux, trois petits garçons qui regardaient sur les jupons. Pas sûr. Sous les jupons. En parlant de sous les jupons, là... Est-ce que c'est ainsi que les intrigues s'enivrent? Plein feu sur l'errance. L'errant ne cherche plus ses mots. Ses modificateurs de pensée. Oh, maudit modificateur, c'est excellent, c'est vraiment, là. Tout le monde est touché, hein? Vous, Mme Tremblay, moi, ça m'en prend plus que ça pour me toucher, hein? Puis surtout, si on me touche, là, je vais revenir contre celui qui me trascane. Oh, mon Dieu, on vous trascane, on me trascane régulièrement, là. Lâchez-moi, ça, là. Touchez-moi pas, hein? Ça coûte cher, ce corps-là, là, à revamper et à lui donner une seconde existence, surtout quand on le démolit puis qu'on le malaxe comme l'autre le veut, mais pas à mon gré. Oh, c'est bien dit. À mon gré. À mon grand, tu iras en prison et tu passeras pas go, 350$, même si t'as de l'argent, tu trouveras l'impunité directement dans la capacité à ne rien saisir de cette émission. Mais ce soir, ça va dire, amen. Je ne peux continuer à ce moment, on peut pas. C'est vraiment très loufoque. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impératrices, il y a des impératrices ce soir, toujours. Il y a des reines, des princesses, des impératrices. Il y a des princes. Il y a des duchesses. En fait, ça, c'est des princes qui sont déguisés en duchesses. Ah, mon Dieu, pas des travelots, des travelosties. Oh, les travelosties. On les aime-tu, les travelosties? Mais là, quand tu sais pas reconnaître un travelostie, tu te laisses coincer. Tu te laisses surprendre, toi, là. Exemple, un travelostie dans un bar. T'es dans le bar, il fait noir. Un bar noir, c'est un bon bar. Un bar trop éclairé, c'est un bar où moi, je fonctionne pas parce que les gens boivent. Ça fonctionne pas. Alors, plus c'est noir, plus c'est c'est ça. Et puis donc, là, tu te retrouves au bar, presque accoudé au bar, hein, tu tiens près ton verre, là, tu regardes la cerise, dans ton verre. Puis aussi les cerises un peu qui se promènent autour de toi, là, tu sais, parce qu'en force, je sais pas, tu sais, il y a des cerises, c'est comme un spectacle, là, c'est des feux d'artifice, mais c'est des cerises autour, là, je suis en train de déraper, oui. Excusez-moi, monsieur, je ne recommencerai pas. Est-ce que c'est ainsi que les intrigues s'enivrent? Ah ben là, monsieur, là, on commencerait pas à éplucher cette émission de long en large, de haut en bas, surtout on n'astique pas nous. Oh, non, on à peine poli. Ah, à peine poli, même on a le censeur qui reste coincé souvent dans l'ascenseur, surtout au 20e étage. Bon, je sais pas pourquoi. Parce que le 20e étage, c'est plus facile quand tu tires en bas, hein? T'es sûr que tu vas pit, hein? Comme Brad. Brad, pit. Brad Pitt. Il y a l'histoire de dans le bar. Quand le bar est sombre, quand le bar est noir, c'est merveilleux parce que on peut tranquillement là, dialoguer. Et plus tu dialogues, plus tu te rends compte que tu devrais te la boucler parce que c'est pas à ce moment-là que tu vas impressionner l'écouteur qui tente de comprendre et qui fait des spasmes. Ça, c'est des rires caché. Là. Tu peux te rendre compte que le quotient intellectuel au rire. Là. Tu balances quelques connaissances générales, par exemple. Là. On le dira pas, là, mais parce que normalement, quand on dit par exemple, c'est for example. Ah, ça, c'est pour nos amis francophones de loin là, qui s'imaginent qu'il faut traduire. Ah, d'accord, for example. Bonsoir. Alors, on va faire une reconstitution. Hey, si on n'aime pas ça, alors on voudrait avoir un son de reconstitution. Ça, c'est la soirée. La soirée, OK? Oh, non, il y a le déco, ça, c'est la fin de la soirée. Comme ça, ici. 1, 2, 1, 2. Ah, ça, c'est une belle soirée, là. Ah, la musique joue, là. Ah, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de musique de bar? Suzanne? Ça, c'est pas une musique de bar, ça. C'est une musique de... meurtre et mystère. Je pense que ça sent le couteau qui va voler, qui va nous arriver dans le front. Là. Germaine, on n'aime pas ça, nous autres. Là. Le front est pas fait... Ben, le front populaire est populaire, mais le front de libération du Québec, c'est le front de libération du Québec, puis le front national, ben on... Sitting in the long grass in summer, keeping warm. I remember every restless night. We were so young then, we thought that everything we could possibly do was right. And we moved. I wondered where you went to, and tell me, when did the light die? You will rise, you'll return, let me be the phoenix from the flame. Jean-Luc, parce que là, je dois faire la file pour Madame Pépé, hurra, Madame Pépé, toi qui te croises aussi enveloppée que l'amour. Non, j'ai Madame Pépé. C'est pas Madame Pépé, c'est Madame Pipi. Madame Pépé. Je devais aller voir Madame Pipi, là, j'avais 5 minutes pour moi, là. 5 minutes à consacrer à mon pépi. Ben oui, mais là, il y avait trop de monde. Ben oui, mais là, Madame Pépi m'a dit, attendez, ça va prendre 2 minutes. Là, après 5 minutes, là, je devais quitter pour faire mon ouverture de l'atelier francophone de Charles Bukowski. Fait que là, j'ai dit à Madame Pépi. Elle dit, ouais, pépi, Madame Pépi, vous connaissez pas votre heure, là. Quand vous dites 2 minutes, là, c'est pas 5 minutes. Moi, j'ai 5 minutes à consacrer à mon petit pépi. Si vous me dites 2 minutes, là, c'est pas 5 minutes, 2 minutes, là. Quand vous me dites 5 minutes, là, c'est pas 2 minutes. Quand vous me dites 2 minutes, là, c'est pas moi, c'est 2 minutes. Alors, dites-moi la prochaine fois, c'est illimité. C'est, on peut pas, réfléchir à tout ce temps que prendra les autres à faire le petit pépi. Bon, maintenant, c'est dit, là, Madame Pépé. Vous nous amenez des royaumes de Walt Disney, Madame Pépé, en disant 2 minutes. Ça prend pas 2 minutes, lui-là, là, ça fait 50 minutes qu'il est là. Êtes-vous sûr qu'il est en train de pisser, lui-là, là? Madame Pépé. Oh, ça, c'est le président. Madame Pépé. Oh, là, le président des toilettes. Oh, oui, moi, je suis président des toilettes. Oh! Des quoi? Des chiottes. Oh, monsieur le chiotte. Vous êtes la chiotte? Je suis le président de la chiotte. Hey, quel titre honorable. Ouais, merci. Moi, j'ai commencé à laver les chiottes. Après ça, j'ai commencé à réparer les chiottes. Puis après ça, on m'a dit, après 45 ans, là, tu vas devenir là, le propriétaire des chiottes. Ah, ben bravo, monsieur. Ça vous paye? Ça me paye la chiotte. OK, ça vous donne? Ça me donne la chiotte. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. D'accord, merci. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Alors, Madame Pépi nous a pas laissé faire pépi. Et pépi, pas zoura. Laissons sur nous. Hey, voyons donc, toi, c'est pépi. Ben oui. Laissez-le nous chanter, les rois de mer. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phase d'une de ses nouvelles. Extrait de son recueil, contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'encre, le bac. Là, je suis en train de brasser l'encre. Arrête de brasser l'encre, on dirait. J'ai un petit mal de cœur. Ça va t'empêcher de Madame Pépi. Non, Madame Pépi n'est plus là. J'espère qu'ils l'ont pas congédié pas Madame Pépi. C'est son travail, elle, là. Si elle s'est pas comptée, c'est pas de sa faute, hein. Puis elle s'est comptée quand je lui donne 2 francs, 2 euros. Elle me laisse passer. Mais quand il faut passer au Pépi, mais là. Monétairement, elle s'est comptée, mais temporellement, là, chronologiquement, elle s'est pas comptée. C'est enfin. Compte pas sur moi. Stand by me. Oh, oh, oh, stand by me. Oh, oh, oh, stand by me. Oh, oh, oh, oh, stand by me. Ok, lâche-moi ça, là, l'autre qui se demande le ride. Alors donc, la phrase, c'est quelle émission d'incroyables personnages qui viennent s'animer aujourd'hui, ce soir, en ce 27 mai. 27 mai, là, ça sent l'anniversaire de l'animateur d'Errance Rénaldienne. Hein, c'est quand son anniversaire? 2 juin. Nous sommes là. Le 27 mai. 2 juin. Oh! Allons, le 2 juin, qu'allons-nous faire? Rien! Bon, OK. Alors là, le titre, c'est méchant, ça, rien. Si nous, on veut faire quelque chose, si on veut le réunir pour l'épater, pour lui, l'épater, là, amène-lui des lapins pétitiennes, ça va l'épater. Alors, tu balances ton gag, mec. Ben, il n'y a pas de gag. Lâche l'écho parce que les gens n'ont pas entendu. Alors, tu balances ton gag, mec. Alors, le mec balance le titre et il balancera le gag si gag il y a, là. Hein. On ne sort pas d'ici vivant. TQ Baudouin bouche la sortie. TQ Germain regarde s'il y a des gens qui se flanquent. Non, c'est qui se planque. Ah, c'est l'Islande. L'Irlande, là, cache l'URSS. Amène la vodka. Bon. La plus jolie fille de la ville. Le titre, c'est pas le titre. Oh non, on a moffé l'introduction. C'est pas important, c'est pas grave. On s'en souvient plus. Ben oui, mais les gens se souviennent de ce que je viens de dire. Non, ben voyons donc. Hey, crois-tu sincèrement que le mot que tu viens de d'élancer dans cette bouche, qui est très, très, très sombre et surtout très, très inaudible. Inaudible, on comprend pas ce que tu veux dire. Ben voyons, comment ça? Ben ça, premièrement, comment ça? On le sait pas. Puis regarde, ça va faire oublier bien des choses. Première phase. De sexe. De ses cinq sœurs. Combien sont ces six ou ces saucisses? Ces six ou ces saucisses sont cinq sœurs. Au monde où cinq sœurs. Une sœur, deux sœurs, trois sœurs. Trois sœurs baladées. Trois sœurs une fois, deux sœurs, trois fois, trois sœurs baladées. Vendues, on les vend comment? Ah, ils sont pas vendus, là, ils sont pas bandables. Oh, mon Dieu. Les cinq sœurs. Non, c'est pas les cinq sœurs, mais c'est le censeur. Alors, sens. Donne un sens à cette improvisation. Alors, donne la vie. Maintenant, préparez-vous à rencontrer Paul Pechnard, auteur, compositeur, interprète, mon ami Paul Pechnard. À chaque année, je le rencontre. Il est depuis quelque temps le premier invité à mes errances rénaldiennes parisiennes. Alors, à toi l'artiste, mon ami Paul Pechnard. C'est un oiseau aux ailes si longues qu'il ne peut jamais se poser, sous peine de ne plus s'envoler, de ne plus retrouver son monde, son oxygène et sa stratosphère, au-delà de la nuit et des frontières, le bleu de son ciel et le feu de son soleil. Il est fait pour être là-haut, au-dessus des mers agitées, des montagnes enneigées, beaucoup plus haut que tous les oiseaux. C'est un météore, un familier de l'altitude. C'est un météore, un habitué de la solitude. Habité par un mystère qui l'emporte avec lui dans les airs, peut-être un secret lourd à porter dont lui seul a la clé. Souvent celles qu'il a aimées reviennent hanter ses pensées, les fées de châteaux enchantés, de royaumes ensoleillés qu'il a traversés, qu'il a quittés, dont il s'est envolé. Les plumes qu'il y a laissées sont précieusement conservées dans ses cages dorées. C'est un météore, prisonnier de l'altitude. C'est un météore, familier de la solitude. Prisonnier de l'altitude, c'est un météore, familier de la solitude. Après, ben, c'est en studio là, que tout se transforme, tout prend un sens. Voilà. Tout prend un sens par rapport à une chanson, et les chansons les unes par rapport aux autres aussi. Mm-hmm. Pour qu'à la fin, ben, comme je disais tout à l'heure, l'album, c'est assez diversifié quoi, quand on va d'une chanson à l'autre. As-tu l'idée déjà là, même si c'est pas encore terminé, des titres qui seront en tout premier, puis as-tu la on a déjà une idée pour l'ordre des chansons, mais bon, après, il faut connaître les chansons pour que, si je te le raconte, ça va pas te parler. Parce qu'il faut mais c'est qui décide? C'est le groupe ou c'est toi ou... Non, on décide tous ensemble, parce que la règle, c'est que il n'y a rien de ce qui soit sur les albums qui ne plaise pas à quelqu'un dans le groupe. Ça a l'air bête comme ça, mais en fait, ça veut dire, par exemple, il y a des chansons, je les écris, on les enregistre du mieux possible, et puis finalement, il y en a qui disent « Ah ben non, cette chanson, elle ne me parle pas trop », donc hop, on la mettra pas. Peut-être on la refera plus tard autrement, peut-être on la mettra jamais, on ne sait pas, tu vois. Et c'est pareil pour l'ordre des chansons, et c'est pareil pour un certain nombre de choses. Là où moi je conserve la main, c'est sur l'écriture de la chanson. Mais c'est déjà arrivé que j'écrive des chansons où les paroles, tout le monde soit OK pour les paroles, mais que la musique, certains me disent « Ah ouais, mais t'as déjà fait la même musique que moi. » Donc à ce moment-là, je refais. Parce que c'est moi qui suis en charge d'écrire les paroles et la musique. Mais tout le reste, c'est vraiment un travail en commun. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chacun puisse... y mettre un peu de lui-même, il s'y retrouve à la fin en disant ouais, je suis content que ça sonne comme ça. Quoi. Pour pas aussi s'emmerder en spectacle, dire oh, ben ça c'est pas mon truc, c'est pas moi que. C'est l'implication de tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un travail en commun où on s'amuse, quoi, en fait, mais tous ensemble. Quoi. Et est-ce qu'à force de faire des albums, tu trouves ça facile ou c'est toujours la même chose, c'est toujours le même travail, toujours la même intensité Non, je pense que c'est toujours la même intensité, ouais. C'est toujours beaucoup de travail et puis... C'est jamais gagné d'avance, hein? Non, puis beaucoup d'implication. Ouais, faut vraiment aimer le faire, moi j'aime bien, donc j'ai pas de problème, mais... c'est jamais... La musique, c'est assez exigeant, c'est-à-dire que si on dit « Ah, je vais faire comme ça, j'ai déjà fait, ça marche bien tous les coups », en fait, c'est pas exact. Non. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de recette. Non. C'est ça. Non, il y a plein de choses, faut écouter, faut essayer, faut en parler, faut réécouter, faut réfléchir, c'est ça qui est bien. Est-ce que tu as une facilité d'écriture de plus en plus à force de rédiger des textes ou... Ben, le seul truc où je pense que j'ai progressé, c'est qu'avant, quand j'écrivais une chanson, j'avais l'idée et je l'écrivais dans l'heure qui venait. Ok. Et si le temps passait un peu trop, je perdais l'idée et je perdais la chanson. En fait. Alors maintenant, j'ai la capacité à commencer quelque chose, à continuer le lendemain et puis même sur plusieurs, sur une période beaucoup plus longue. Donc c'est le seul progrès que j'ai fait, je sais pas si c'est un progrès, mais... Est-ce que les chansons que tu n'aimes plus ou que tu mets de côté, tu veux plus chanter, ou c'est comme tes enfants, tu les aimes quand même, ils ont toute leur... je pense que je suis assez sélectif sur les chansons que j'ai enregistrées. Donc il n'y en a aucune que j'aurais pu envie de faire vraiment. Donc non, mais après ça dépend des situations. Alors ce qui est bien, c'est que comme j'en ai pas mal, quand on joue avec le groupe, je peux faire certaines chansons. Quand je joue tout seul, j'en fais d'autres. Et j'ai cette liberté. Je marche dans la rue, le nez en l'air. Tout le monde me regarde de travers. Je ne fais rien de mal, je suis moi-même. C'est ça qui les dérange, c'est ça qui les gêne. Tout le monde se fâche, je reste zen. Tout le monde se lâche, tout le monde s'énerve. Je suis mon chemin à ma manière. Je suis une pierre qui roule sans aucun problème. Que je fasse tout ce qu'ils me disent. Je reste de glace, tant pis s'ils me méprisent. Ils veulent que je devienne exactement comme eux. Ils n'ont pas compris, je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de tous vos conseils pour me lever le matin et savoir quoi faire. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je suis né dans un Mais là, comme tu sors un album, ton septième album, il y a des chansons que tu ne pourras pas faire de tes autres albums, mais que tu adores. Comment tu fais pour couper sur certaines chansons que tu aimes pour laisser quand même ton prochain disque être propulsé, être connu? Ben, je dirais que ce qu'on fait sur scène, c'est pas pareil que sur les albums. C'est-à-dire qu'il y a toujours des chansons qui sont sur les albums qu'on ne peut pas réellement faire sur scène. Quels que soient les albums, des anciens ou des récents. Il y a des chansons albums qui ne se font jamais sur scène. Non, parce que ça demanderait trop de matériel. Si on avait vraiment les moyens comme on aimerait bien les avoir, oui, on pourrait les faire. Ah, c'est fou. Mais il y a des trucs, il faut des claviers. Peux-tu me nommer une chanson? Ben, je sais qu'il y avait une chanson qui s'appelait « Dans ma vie ». Cette chanson-là, si je ne me trompe pas, il y a les claviers, il y a des choses comme ça. Et bon... Tu l'aimes? Moi, j'aime bien cette chanson, mais actuellement, on n'a pas la structure. Tu veux, faudrait qu'il y ait des gens en plus pour jouer avec nous et qu'on... Tu peux pas la faire guitare-voix, c'est impossible. Si, mais ça va être vraiment léger. Okay, tu vois, là, par exemple, sur le... C'est pas aussi intense que... Ben, sur le dernier album là qui va sortir, il y a une chanson qui s'appelle « En stéréo, en couleur ». Donc, on a fait guitare, batterie, puis moi, je chante, puis je fais des petits solos de guitare, des trucs comme ça. Donc, la chanson, à mon sens, elle est assez vivante. Et puis, c'est un peu coloré, c'est un peu improvisé, puis ça raconte des trucs. Si je l'ai fait tout seul à la guitare sèche, ça fonctionne, mais c'est un peu plus. Donc c'est pas que je peux pas le faire. Ouais. C'est l'énergie du groupe. Ça a moins d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'il y a certains morceaux que je fais pas forcément. Et je suis pas en manque de chansons, donc c'est pas le problème. Oh, ouais, c'est ça. C'est pas grave. Hein. Mais sur un album, combien de chansons vont uniquement rester sur la pastille? 3-4? Ouais, peut-être 3-4-5, ça dépend. Et pour toi, ça, c'est comme des joyaux que tu veux quand même placer parce que tu vois que ça représente bien le groupe, ça représente bien tes chansons. Ouais. Ben, c'est des morceaux qui vont bien sur les albums. Mais ça veut pas dire qu'on les fera jamais. Ouais. Ça veut dire qu'actuellement, on n'a pas les moyens de les faire correctement. Tu vois, c'est tout. Ouais. Mais c'est pas non plus fataliste. Ça peut un jour être fait sur scène, indépendamment des. Ouais, ouais. Et c'est ce que tu aimerais bien éventuellement. Ben disons que. Pour être clair, quand on va jouer à la Philharmonique, avec une dizaine de musiciens. Eh bien, il n'y aura pas de problème. Ouais. On pourra jouer tous les albums à la suite. Ouais. On passera 12 heures sur scène. Mais là, c'est pas le cas. Et ça sera génial. Mais on n'est pas encore. Oui, c'est ça. On est un peu loin. On est un peu loin. Mais peu importe, comme c'est des chansons que tu aimes, tu veux les placer sur la pastille. Et même si ça ne va pas sur scène, c'est pas important parce que tu as tellement de matériel que, que c'est pas obligatoire. C'est pas, Exactement. D'autant plus que quand je ferai la Philharmonique. Oui, oui. Peut-être que je ferai tout seul avec ma guitare sèche. Ah, peut-être. Ben, tu vas avoir 6 musiciens plus qu'il y a 6 cordes. Hein, 6 musiciens, voilà. Une corde est un musicien. Exactement. Ça. Donc peut-être, voilà. Donc je ne sais pas, mais tout est ouvert. Ouais. Se laisser couler, quelle que soit l'heure. Une bouteille à la main, ils cherchent le chemin vers des jours meilleurs. Ils ont perdu le nord, alors ils tournent en rond sur leur mer intérieure. À la merci des tempêtes qui jamais ne s'arrêtent au fond de leur cœur. Il y en a qui s'isolent, loin de chez eux, dans une chambre d'hôtel, pour essayer de défaire les fils du passé qui s'en mêlent. ils revoient leur histoire en accéléré, en lecture arrière. Ils ne veulent pas mourir sans avoir compris, sans avoir fait la lumière. Ces vieux démons, ces chimères qui viennent vous hanter, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver. Et s'il faut vivre avec, chacun doit trouver l'art et la manière de payer le prix pour qu'ils arrêtent de vous faire la guerre. C'est vrai que moi j'aimerais bien, sur certains morceaux, avoir des orchestrations, tu sais, des grosses orchestrations. Ah, ouais. Je sais qu'il y a des morceaux qui colleraient bien. Ah, bah, attends, qu'il y a plus de mais le thème. Pour l'instant, c'est guitare, basse, batterie. Bah, c'est quand même une bonne base. Hein. Ça, j'adore. Ouais, non, ouais. Mais ça, c'est mon univers. C'est ton son. Mmh. Ouais. Voilà, c'est mon son, c'est mon truc. Et ça te représente bien. Ouais, ça me plaît. C'est ça que j'aime bien. C'est comme ça que je m'exprime. Donc, les albums, t'en sors à peu près un par à peu près deux ans et demi. En moyenne, c'est ça, ouais. En moyenne, un tous les deux ans. Mais pour toi, comme tu travailles tout le temps, c'est comme si t'en sortais régulièrement, c'est ça? C'est quelque chose qui est toujours dans mes activités chaque jour, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut écrire les chansons, faire les démos, faire écouter, répéter. Démos, c'est guitare. Aller au studio. Ouais, c'est ça. Plusieurs guitares, la voix. Et puis, plusieurs guitares que tu fais toi. Ouais. Ok, c'est ça. Tu colles une guitare sur la tienne et ouais, pour faire quelque chose. Ouais, j'ai un petit 4 pistes, ça me permet d'avoir la chanson, les accords, les paroles, et puis enfin la voix, et puis des premières idées d'arrangement. Après c'est libre. Puis ton travail de musicien, est-ce que tu aimerais collaborer avec d'autres? Mais tu l'as déjà fait avec Pauline Paris. Ben oui, alors t'as... Pauline, moi, l'autre fois on a joué ensemble, il n'y a pas longtemps du tout, il y a une semaine. En fait, elle a joué avec moi de la basse. Ok. Et donc c'est la première fois qu'on le faisait, mais j'adore. Mais sinon, moi j'adore jouer avec elle. L'autre fois, elle a fait un spectacle au Cénobar où elle faisait toutes ses anciennes chansons qu'elle chantait il y a une quinzaine d'années. Ouais. Donc elle a fait un spectacle en trois parties. Et dans la deuxième partie, moi, cette fois-là, c'est moi qui l'ai accompagnée et j'ai fait 9 chansons avec elle. C'est bon. Et j'étais très, très, très content d'être invité à faire ça. Ah ouais, c'est privilégié. Ouais, vraiment, c'était... j'adore. Et puis, c'est des gens qui te pèsent beaucoup aussi. C'est des gens qui t'alimentent, c'est des gens qui te... Ouais, ben, avec Pauline, on s'entend très bien. Ouais. C'est marrant, on n'est pas du même monde ni rien. Mais ça fonctionne très bien. Quoi. C'est vrai. Voilà, donc on fait des co-plateaux ensemble. Et puis en fais-tu beaucoup avec certains artistes ou c'est une des choses des co-plateaux, pas tant que ça, non. Non. Il y a toujours des idées comme ça, mais je ne peux pas dire que j'en fasse beaucoup. Là. Je joue souvent tout seul. Bah, là, il n'y a pas longtemps, on a joué donc avec notre groupe, donc un 4 électrique. Et il y avait Daniel Jacques qui joue aussi, qui fait du guitare, du rock, et vraiment bien. Et José Dayan qui jouait aussi. Donc c'était bien aussi. Et ça là, c'était électrique. Là, c'était ok. Alors c'est du bon rock. Ouais, c'est du rock, ouais. As-tu toujours des idées de chansons aussi? Souvent, tu vois la page blanche et il n'y a rien qui veut s'exprimer à travers ça? Je sais qu'on parle souvent de page blanche et de l'angoisse de la page blanche. Alors moi, je fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire, je ne regarde pas un truc vide en me disant, qu'est-ce qui va sortir ? Non, c'est, d'un truc vide, il sort du vide, si tu veux. C'est pour ça que c'est angoissant, en fait. Tu vois ? Donc, moi, je vais plutôt autrement. Par exemple, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, qui me parle. Je me dis, pourquoi ce mot me parle ? Tu vois ? Où je fais des accords, la musique, je me dis, pourquoi ça me plaît ? C'est pour ça qu'il y a un flux de mots qui voilà. arrive. Je parle de quelque chose qui existe, même quelque chose de très innocent, tu vois. Et c'est à partir de là que je peux sortir des idées. Alors, quelquefois, je sors trois mots, puis c'est fini. Quelquefois, je sors 10 pages ou 50 pages, et là, je sais que je vais pouvoir faire une chanson. Une chanson qui va être ramenée, qui sera ramenée, qui sera voilà, que j'ai réussi à avoir un truc qui se tient, qui est suffisant pour faire une chanson. Et donc, c'est à force d'écrire que ça vient, c'est pas... Je dirais plutôt comme j'ai toujours cette idée de faire mon prochain album, hein, puisque depuis qu'on se connaît, je suis en train de faire mon prochain album, je suis toujours un peu à l'affût d'idées, de sons, de trucs que je note. Alors, il y a la plupart mènent nulle part, mais de temps en temps, par hasard, par magie, ou par magie, il y a un truc où je dis, ah ouais, là, ça fonctionne, marrant. Et ça me fait une base pour écrire une chanson. C'est le mouvement perpétuel des planètes tout autour du soleil et des étoiles qui filent à l'anglaise dans un nuage de poussière. C'est le mouvement perpétuel des forces qui s'annulent et des vents contraires qui tourbillonnent dans l'atmosphère, qui refroidissent le fond de l'air. C'est le mouvement perpétuel des jours et des nuits qui s'enchaînent, qui se suivent à l'aveuglette et qui jamais ne s'arrêtent. C'est le mouvement perpétuel du désir qui renaît dans le désert. Des diamants éternels et des roses toujours éphémères. C'est le mouvement perpétuel des petits mots répétés en cachette. Dans le creux des oreilles des Roméo et de leur Juliette. Des Roméo et de leur Juliette. Et là, ces projets-là, celui que tu prépares au mois de mai, est-ce que tu veux éventuellement le refaire? Mais là, il n'y a rien encore de concret, là. Mais tu as une visée pour ce concept-là, chanson et texte? Ah oui. Non, là, ce que je voudrais, c'est que le 21 mai, ce soit la première version d'une longue série. Ok, c'est ça. Alors attention, là, on parle d'un truc qui n'existe pas. Non, c'est mesdames ça. Mesdames et messieurs, on ne sait pas ce qui va se passer. Non, mais tout est... On saute dans l'inconnu, là. C'est ça, non, mais tout est... peut exploser. Mais moi, j'aimerais bien que ça puisse... C'est pour ça que je voudrais le faire d'une façon telle que ça puisse facilement ou se décliner autrement. Ouais. Tu vois, que ça soit justement suffisamment ouvert, pas que ça soit un truc rigide, fermé, que j'apprends par cœur. Et dès que j'oublie un mot, je suis là, ah merde, j'ai oublié les paroles. Non, c'est ça, c'est une ouverture, pas quelque chose de sectaire. Ouais. C'est vraiment ça l'idée, telle que je l'ai aujourd'hui. Peut-être quand j'ai... Quand tu diffuseras ton émission, je dirais, mais n'importe quoi. Non, mais écoute, c'est ça la magie, hein. C'est que on est sur une lancée, puis ça peut changer, ça peut, heureusement. Là, je me permettrai tout ce que je peux... Te permettre. Me permettre, ouais. Voilà, exactement. Est-ce que tu veux aller plus loin dans ce médium-là que uniquement la chanson? C'est à travers les textes non chantés, tu veux faire rire ou amener une réflexion? Non, je veux ni faire rire, ni amener une réflexion. J'ai pas d'intention particulière. C'est plutôt partager un bon moment, tu vois. C'est comme la musique, en fait. Hein. Je suis accroché beaucoup à ma guitare, en fait, aux chansons. Mais je n'ai pas de message, j'ai pas de... Je suis juste une personne parmi les personnes, tu vois. Et puis moi, je raconte mon truc, et puis si on peut partager ça, c'est génial. Mais tu veux dire que dans tes chansons, il n'y a pas de message? Il n'y a pas d'intention de message, en tout cas. Si quelqu'un y trouve de l'intérêt, bah, c'est génial, parce que comme ça, on peut partager ça ensemble. Mais j'écris jamais une chanson. De retour. Bah ouais, il y a des gens qui aiment bien, ouais. Ouais. Et puis, alors, par exemple, il y a un truc, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que quand je joue, même dans des petits bars, tu vois, pratiquement tout le temps, des gens m'achètent des albums. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est pas qu'ils m'achètent des albums, c'est qu'ils m'achètent une chanson. C'est-à-dire, ils me disent « Ah, vous avez chanté une chanson qui raconte ceci, cela, et c'est la chanson que je voudrais avoir. » Donc, j'ai ma collection d'albums, et j'en ai basé sur celui-là. Parce que c'est cette chanson-là que voilà. La personne a entendu. Ils m'achètent des chansons, pas des albums. Et ça me plaît beaucoup, parce que c'est ce que je fais, c'est des chansons, c'est pas ça. Des albums. Oui, oui. Mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est que tu te rends compte que c'est pas le concept qui plaît, c'est la singularité d'une chanson. Voilà, et c'est quand même ça ce que je fais. Ouais. C'est aligner des chansons, les mettre en ordre, et puis les faire sonner et raconter des trucs dans les chansons. Après, le côté message, je pense que chacun a sa façon personnelle de le percevoir, tu vois. Puis tout le monde aussi a une vie différente, donc... Bah oui, mais je veux pas du tout dire... Attention, maintenant je vais vous délivrer un message très important pour vous. Ouais, c'est pas ouais. Du tout mon genre. Hein. Ouais. Tu veux juste faire passer, tu veux chanter, faire passer du bon temps. Ouais. Puis après, il y a des idées qui passent, donc je vois que des gens accrochent certains trucs, donc tant mieux. Et après. Adieu que pourra. Oui, adieu que pourra. J'ai toujours mes petites questions. Alors vas-y. Qu'on lâchera jamais. Si tu étais un liquide, de l'eau. Oui, de l'eau. De l'eau, ça me va bien, moi. De l'eau, peut-être du café, peut-être. Ah, du café, là, aujourd'hui, c'est même ça? Du café, oui. Parce que tu as besoin de stimulant. Parce que c'est le matin, j'aime bien boire du café. Oui, et on est presque, on embrasse presque l'après-midi, là. Ouais, ben, je sais pas. Oui, à peu près. Ouais. On a le matin qui s'étire. C'est vrai que quand on attend l'aéroport, le matin s'étire toujours. Oui, ben, c'était facile d'attendre, parce que j'ai dormi, essentiellement. Roupiller un petit peu, oui. Si tu étais une ville. Alors, la dernière fois, j'ai dû dire la ville de Paris. Oui. Ben, tu peux garder. Ben, c'est sûr que Paris, c'est un peu mon univers. Après, il y a plein d'autres villes que j'aime bien. J'aime bien Marseille, parce qu'il y a la mer aussi. Je connais pas très bien, mais j'aime bien l'ambiance. Il nous en manque beaucoup, les autres, Je fièvre, je stresse, je dérive, je délire. Je débloque, je claque du fric, je coule à pic, je titanique. Je dilapide mon capital, puis me tapis dans ma bulle. J'intériorise. Je minimise, je somatise, je minimise, je banalise, je minimise, je crise, je minimise, je me marre, je me leurre, je me barre, je me meurs, je me rêve, je m'imagine, je m'invente, je me fabrique, j'éteins toutes les lumières, puis je me terre dans ma tanière. J'intériorise, je minimise, je somatise, je minimise, je banalise, je minimise, je crise, je minimise, je vis en prose, je télévisionne, je me prends pour un autre, je science-fictionne, je me glisse dans mon armure, j'hibernationne, la puce à l'oreille, je me questionne. Je drague, je guette, je chasse à court, je ventre à terre. Je claque du bec, je suis à sec, je me ramasse à la cuillère. J'enrage dans mon château fort intérieur, je m'oubliette. J'intériorise, je minimise, je somatise, je minimise, je banalise, je minimise, je crise. Je j'intériorise, je minimise, je somatise, je minimise, je banalise, je minimise, je crise, je minimise. Si tu étais une époque. Une époque, ben, je suis bien dans mon époque. Alors, je dirais maintenant, ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent de refaire des chansons des Dogs ou c'est très rare? Les gens sont toujours un peu surpris que je fasse pas toujours les chansons des Dogs. Alors moi, j'adore ces chansons-là. Mais les choses font que le temps passe et puis qu'on n'a pas forcément envie de faire toujours la même chose. D'autant plus, et c'est surtout ça la question, c'est qu'il n'y a plus les gens qui sont là pour le faire. Ouais. Avec les mêmes personnes, je ferais probablement la même chose. Mais tu penses-tu indiquer un disque hommage aux Dogs pour les nostalgiques, pour les gens comme moi qui n'ont jamais pu entendre vraiment ce que ça donnait? Alors là, je vais peut-être, c'est peut-être surprenant ce que je dis, mais je trouve que dans ce que je fais, il y a quelque chose qui reste de cette période-là. Okay. Alors évidemment, au niveau sonore, ça ressemble pas vraiment, non, tu vois, mais en même temps, on n'exprime pas de la même façon quand on parle en anglais, en français, tu vois, ouais, déjà rien que ça fait que ça change forcément la musique, l'arrangement, le son, mais après je trouve que pour moi je suis la même personne, il y a une continuité évidente dans mon parcours, mais les gens qui écoutent mes albums disent ben, on voit pas la relation. Ouais, t'es le seul à connaître les clés. mais pour moi, si, il y a une relation. Si tu étais un mot. Mais juste pour terminer, ouais, vas-y. Un truc quand même moi, qui me fait plaisir, c'est que quand je joue dans des trucs punk, tu vois ce qui m'arrive assez souvent, je suis souvent classé avec les punks, souvent ils me disent c'est marrant parce que c'est pas la musique qu'on écoute, mais on aime beaucoup ce que tu fais. Ah. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis bah oui, il y a quelque chose des Dogs qui reste là-dedans. Et sinon, ces gens-là, ils seraient pas sensibles. C'est vrai. Voilà, donc c'est comme ça que je. C'est pour moi, c'est une preuve que je ne suis pas à côté de la plaque. Mais est-ce qu'on, heureusement, est-ce qu'on te remet souvent ça en tête, les Dogs, ou c'est rare? Ah bon, on parle tout le temps. Tout le temps, et les gens sont contents de me rencontrer pour ça, de me serrer la main et tout, et ça me fait plaisir. Après, par rapport à ce que je fais, c'est quand même très déconnecté. Ouais. C'est-à-dire que les mêmes qui vont me tirer la main, si je leur dis ah ben, je peux jouer dans votre truc, ou je sais pas, ils disent bah, non, en fait. Ouais. Mais bon, c'est normal, hein, d'une certaine façon. Mais ça n'empêchera pas, peut-être qu'à un moment, ça revienne un peu plus rentre-dedans, un peu plus rock. Quoi. Mais t'es un des seuls survivants du groupe ou la majorité sont décédés? Non, il y a un autre survivant, ouais. Ok, mais, alors vous êtes juste deux du on groupe? On est deux survivants, ouais. C'est pas beaucoup? Bah, du groupe du départ et du groupe d'après, on est un peu plus de survivants. Ok, ok, ok. Parce qu'il y a eu trois versions ou quatre, je crois. Plusieurs, ouais. Toi, tu fais partie de la deuxième? Bah, de la première. Première, ok. Bah, moi, j'ai fait partie de la première et de la troisième. En fait. Ok. Puisque je suis parti et je suis revenu. Ok. Donc, voilà. Pourquoi? Bah, je dirais qu'il y a un moment où on était peut-être plus aussi bien aligné que ça sur le côté musical. Okay. Mais on est toujours resté en très bon terme, puisque moi j'ai continué à venir faire des rappels, tu vois, avec les Dogs toujours, en fait, jusqu'à ce que je revienne dans le groupe. Voilà. Pendant 2-3 ans à la fin des années 80. Mais c'est, ça m'a toujours plu, hein. Les Dogs, c'est vraiment c'est mon truc de départ et c'est un groupe incroyable. J'ai jamais vu de groupe comme ça dans ma vie. Non, mais il n'y a personne qui dans ce groupe-là qui tienne à reprendre ben là, maintenant, à un moment, on en avait parlé, mais là, maintenant, c'est plus possible. Tout le monde essaie un peu. Il n'y a plus personne pour le faire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La flamme n'est plus là. La flamme n'est plus là. Ben surtout, les gens sont plus là. C'est pas juste la flamme. Aussi. Ouais. Si tu étais un mot. Si j'étais un mot. Ben tout à l'heure, on disait invisible, je dirais peut-être nuage. Ouais. C'est des mots qui reviennent dans mes chansons. Un jour, je vais faire ça, je vais faire. y en a qui s'esquivent à se laisser couler, quelle que soit l'heure. Une bouteille à la main, ils cherchent le chemin vers des jours meilleurs. Ils ont perdu le nord, alors ils tournent en rond sur leur mer intérieure. À la merci des tempêtes qui jamais ne s'arrêtent au fond de leur cœur. Ils mettent tous mes textes dans la machine pour voir quels sont les mots qui reviennent le plus souvent. Oui. Je pense que Nuage va être dans les 10 premiers. Enfin, je verrai. Enfin aussi, peut-être. Peut-être. Enfin, ouais. Il y a beaucoup d'enfants dans ces mots enfants. Beaucoup, oui. Ouais. Si tu étais un aliment. Alors, je sais plus ce que j'ai dit l'autre fois parce que j'ai oublié, mais moi je dirais peut-être du chocolat parce que ça va bien avec le café. Ah oui, ouais. Oui, café au chocolat. Ouais, café. Ouais. Chocolat noir. C'est vrai que c'est bon. Moi je beaucoup, ouais. 70% au lait. Ah non, chocolat noir, j'aime bien. Noir, oui. La vraie. Si tu étais une saison. J'aime bien l'automne et probablement c'est ce que. Ouais, j'aime bien l'automne. C'est une période où il fait encore beau, il y a des belles couleurs. Et il y a cette espèce de mélange entre les choses qui changent. J'ai toujours bien aimé l'automne. Puis en plus, ça amène une certaine tristesse de l'été. Ouais, il y a ce côté-là peut-être. Nostalgique. Si tu étais un membre corporel. Je serais les mains pour jouer de la guitare, tout simplement. Écrire aussi des textes. Et voilà. Et conduire ta superbe bagnole. Voilà. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Je crois que là, j'aurais deux solutions. Soit je serais le matin très tôt ou le soir très tard. Alors, c'est peut-être le même moment, en fait. Ah oui, ok, hein, voilà. Oui. Ça se rejoint. Hein. Voilà, on va dire que ce serait ça le moment qui m'intéressait. Okay. Le moment qui me plaît, c'est le moment où on ne sait plus si c'est le soir ou le matin. Mais là, comme ça, dans une journée, là, comme tu n'as pas beaucoup dormi parce que tu reviens d'enregistrer, puis tu es venu me chercher, tout ça, tu peux aller chez toi, te recoucher, puis après ça, le soir, tu repars, puis... Là, je vais pas dormir. Ce soir, je vais jouer dans un truc, ça va être sympa. Ouais. Tu veux pas dire où, non? C'est privé? Non. Non, ce soir, il y a une scène ouverte à l'anecdote, c'est un endroit que j'aime bien. OK. C'est où? C'est 237 rue de Bercy. Okay. Et c'est un endroit vraiment sympa qui avec tous les gens qui s'en occupent, c'est vraiment charmant. Et il y a des scènes ouvertes tous les mois, mais à chaque fois j'ai un autre truc à faire. Donc ça peut arriver que pendant un an et demi je puisse pas y aller. Mais ce soir il se trouve que je vais pouvoir y aller et j'aime bien y aller. Donc il y a des grandes chances que j'y sois ce soir. Mais j'espère, mais c'est prévu, c'est prévu. Venez tous. Ah ben non, vous entendrez ça au mois de juillet. Oui, c'est ça, mais peut-être juillet ou je sais pas, mais à la rentrée. Mais là tu dois aller faire la prise de son. Tu dois aller vérifier le son. Ah non, non, non. Ah non, c'est une scène ouverte. Okay. T'arrives, tu te manges, tu chantes. Ah, ok, ok. Alors tu fais combien de chansons? Bon, ça dépend, une, deux, trois, c'est variable. Okay. Et puis quelquefois, on revient après. Et c'est les mêmes qui se présentent là? Y a souvent un peu les mêmes, mais c'est variable. C'est pas du tout... C'est ouvert, donc on ne sait pas. Vas-tu faire des chansons de la septième? Alors justement, c'est la question que je me posais. C'est comme si une scène ouverte, ça serait faire des nouvelles chansons que j'ai jamais faites. Il y en a une, je vous dis, moi, bien à la faire, en fait. Pour voir ce que ça donne, pour j'ai jamais chanté en public. Donc, Ça pourrait être une première. Ouais. Cette chanson s'appelle Hypersensible. Hypersensible. Ouais. C'est le nom de la chanson. Oh, oui. Ouais. Et c'est... Je le dis en avant-première. Ok, oui, mais est-ce que c'est une musique nostalgique, une musique rock, une musique... Non, c'est plutôt rock posé. Ok. Voilà. Rien à faire à part se taire, rien à dire sans un mot. Je te regarde partir, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas comprendre. Trop tard pour faire l'effort, savoir qui a tort. Pour une fois, fais comme moi, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, même tout bas, ne parle pas. Ne parle pas, même tout bas. Des fois, tu aimes bien prendre les mots échanger ça avec la mélodie, ça peut être quelque chose de très, très tendre, mais plus rock. Ouais, je fais toujours la musique et les paroles en même temps. Oui, mais c'est intéressant. Et ouais, ben l'un aide l'autre. Il rajoute ce qui manque à l'autre. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? Je sais pas, j'aimerais bien être un chat. Ah oui? Oui, mais alors peut-être la prochaine question, c'est quelle est... Celle de ta fille? Non, ce chat, il marche dans la neige, il apprend pas. Ah, tu veux quoi, toi? Bah oui, mais là... Non, un vrai chat dans un pays au soleil avec des... Ok, un chat de luxe. Ouais. Ok, ben là... Un chat bourgeois. Un chat bourgeois. Non, un chat, tous les chats sont... Oui, il y a des chats qui sont à l'extérieur à moins 20, mais tu vas être un chat bourgeois, sous le soleil et... Avec une maîtresse qui te cajole. Et... Voilà, peut-être. Ah, oui. Mais peut-être la prochaine question, c'est quel est l'animal que tu veux être? Non, pas du tout. Ah, non. Pas du tout. Bon. Non, c'est à choisir. Est-ce que tu fais le même chemin? Le même chemin? Ben là, je ne sais pas si on a le choix, vraiment. Si je recommençais au début de mon chemin avec ce que j'ai appris maintenant, je ferais autrement. Ok. C'est à peu près certain. Mais... changer son chemin, c'est ce qu'on essaie de faire toute sa vie, tout le temps, voilà. Toute sa vie. Donc d'une certaine façon, voilà. La réponse c'est que oui, je suivrai le même chemin, mais en essayant en permanence de changer, de l'améliorer, d'aller plutôt aux endroits qui me plaisent. Ah oui, ok. Et de laisser tomber ce qui fonctionne pas, ce qui va pas, pour voilà, te concentrer à... Est-ce qu'il peut se construire d'intéressant? Voilà, ce qui fait qu'on est bien avec les gens, on partage. Ouais. Ma meilleure amie est bavarde comme une pie. J'aimerais bien lui clouer le bec, mais j'ai peur qu'elle ne se vexe. C'est toujours extraordinaire de se rencontrer. Ben pareil, vraiment, très content. Tu réponds toujours oui, c'est ça qui est merveilleux. Ça me fait mais quelquefois, plaisir. C'est vrai que tu as des projets et ça à voir, mais c'est très, très rare. C'est très rare. Si on s'y prend d'avance, tu essaies de tisser quelque chose pour qu'on puisse se rencontrer. Oui, ben comme quand tu dis que tu viens, ben voilà, je m'arrange pour qu'on puisse se voir. Ah ben, puis ça se fait toujours avec un grand plaisir. Voilà. Donc, on va attendre ton 7e album qui va se faire à la rentrée. Voilà. Et donc, un peu comme, tu me diras à quel moment, peut-être que cette rencontre-là ira avec le lancement du disque. Quand tu diffuseras cette émission, je saurai exactement. Parce que là, on est en train de finir la musique, on a tout, presque tout pour la pochette. Après, il faut jouer avec le label, avec le, ce serait septembre. Le mec de la promo. Et avant Noël. Si on vise septembre, je pense que c'est très, très réaliste. Ok. Et vu là, on est tellement avancé que. Ok. Voilà. On aura le temps de tout préparer pour que ça sorte à la rentrée. Et après ça, c'est toujours une tournée, mais il faut que les musiciens puissent le faire. Donc, comme le travail. Oui, ben là, on va tourner un peu au mois de juillet, puis après. Ben, avec oui. Le 7e disque. Non, là okay. c'est juste parce qu'on a calé des dates oui. Début juillet okay. Et on a déjà une date en Belgique. Ah ben oui, Belgique. En Belgique, là on cherche d'autres dates à droite à gauche. Il y en aura. Puis c'est en plein air? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Ok. Mais au mois de juillet, tu sais pas encore? Non, mais de toute façon, ouais. Si en plein air, pourquoi pas, mais j'aime bien. Ouais. Ah, c'est tout merveilleux. Ouais. Parce qu'une salle, c'est un peu plus. C'est un peu moins intéressant parce que les gens sont à l'extérieur, vivent un peu plus, dansent. Ouais. Tu sens que les gens sont plus vivaces, sont moins stagnants. Oui. Parce que sur un siège, on dirait que c'est plus théâtral, c'est moins. Oh ben là, les gens sont pas tellement sur des chaises. Hein. C'est ouais. Un concert, si je me trompe pas, c'est Guérilla Poubelle qui joue avec nous, donc c'est punk rock. Oh, donc oui, les gens oui. Sont pas assez tranquilles. Hein. Non, c'est ça. Pas oui. Il y en a qui sont assez tranquilles, c'est qu'il a un problème. C'est hein. Ça, on les réveille ouais. Avant, on les brasse. ils sont bien à fond. Alors tes projets, c'est ça, c'est ton spectacle au mois de mai. Voilà, puis tous les autres concerts que je vais faire d'ici là, puis après. Ton 7e disque ouais. Et le début de ton 8e. Voilà. À la fin de ton 7e, tu vas déjà entamer la moitié exactement. De ton 8e. C'est ce... Et visuellement. Ça continue comme ça jusqu'à... Jusqu'à, on ne sait pas. Trois points de suspension. Voilà. Jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit, en tout cas. À une prochaine j'espère. Rencontre. J'espère. Ben oui. Voilà. Oui. Alors, ben merci, c'est toujours un... Eh ben merci, Rénal. Et puis, on se dit à l'arboyeux, comme d'habitude, on finit avec l'arboyeux. Voilà. Qu'à l'arboyeux aussi. 60 minutes. Pile 60 minutes. Oui. Ah, mais t'es un pro, non, mais toi. Regarde, je vais te laisser avec toi. T'es un... T'as une horloge? 59 minutes. Je glope trottine sans aucun but. Je slalom, je chute. Je déboussole du nord au sud. Je rame, je lutte. Je déchante, je déjante. Je dérange quand ça m'arrange. T'intériorises. Je minimise. Tu somatises. Je minimise. Tu banalises. Je minimise. Tu minimises. J'embrasse, j'embrasse, j'incendie, je pyromane. J'enflamme de plus en plus, je propage liane en liane. Je souris, je subis, je ne sais plus où je suis. T'intériorises. Je minimise. Tu somatises. Je minimise. Tu banalises. Je minimise. Je crie. La puce à l'oreille, je me questionne. Je drague, je quête, je chasse à court, je ventre à terre. Je claque du bec, je suis à sec, je me ramasse à la cuillère. J'enrage dans mon château fort intérieur, je m'oubliette. J'intériorise, je minimise, je somatise, je minimise. Je banalise, je minimise, je crise, je minimise. J'intériorise, je minimise, je somatise. Je minimise, je banalise, je minimise, je crise, je minimise, je minimise, je minimise, je minimise, je minimise, je minimise, elle minimise, je minimise, je minimise. Oh,